Monsieur, à quoi ça sert les maths en STMG ? Et pourtant, les mathématiques sont belles et ancrées dans notre quotidien. Elles rythment nos journées de classe. Intégrées dans la filière technologique, sciences et technologies du management et de gestion, elles équipent l'esprit pour modéliser une situation économique, pour mieux la prévoir. Elles permettent de visualiser les données éparpillées, de calculer des indicateurs de qualité. Les mathématiques sont utiles pour expliquer un choix stratégique, étayer un raisonnement ou bien encore communiquer clairement le chemin de sa pensée. Grâce aux mathématiques, on peut développer son esprit critique, débattre avec assurance, traquer les fausses informations, exploiter les données mises à disposition du citoyen. À qui parvient à les apprivoiser ? Elle répare les erreurs du passé, valide les données chiffrées d'un journal ou bien encore prédisent l'évolution d'une pandémie. Monsieur, à quoi ça sert les maths en STMG ? Eh bien, grâce à elles, tu vas réussir ton projet et mieux comprendre le monde. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment les élèves réussissent à se remotiver.